إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سندخل دوزيام أسيز أوتور دو مونوثيسم إلى بارول دو مونوثيسم، et après les introductions que nous avons vues tout à l'heure qui concernent l'importance du monothéisme, nous entamons maintenant l'étude de cette risala de son éminent Cheikh Ubayd Hafidhahullah Ta'ala, qui est une risala consacrée à l'interprétation des conditions de la ilaha illallah. يقول في المقدمة حفظه الله ورعاه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والأراضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Il commence sa risala au nom d'Allah, le clément, le très miséricordieux. Le fait de commencer par le nom d'Allah, par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça c'est prendre comme exemple le prophète alayhi salam, le livre d'Allah azza wa jal, et les prophètes aussi, hein, et la voix des pieux prédécesseurs, Ridwanullah alayhim, les hommes de science de cette communauté. Hein, et il fait les louanges à Allah et la prière et les salutations sur le prophète, sa famille, ses nobles compagnons, Ridwanullah alayhim. Fayaqul amma ba'd. Et ceci dit, fahada mukhtasarun ضمنته شرحا لما استدل به إمام الدعوة المباركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على شروط لا إله إلا الله، وسميته تيسير الإله بشرح أدلة شروط لا إله إلا الله. Il dit ceci dit, ça c'est un résumé dans lequel j'ai contenu, j'ai fait l'interprétation des preuves qu'a ramené Cheikh Mohamed Ibn Abdelwahab rahimahullah ta'ala concernant les conditions de la ilaha illallah. Et donc la risala va tourner autour de quoi? Autour de l'interprétation des preuves qu'a ramené Cheikh Mohamed Ibn Abdelwahab rahmatullah alayhi en ce qui concerne les conditions de la ilaha illallah. Wa yaqul manhaj at-ta'lif awwalan qumtu bi kitabati shurut la ilaha illallah وأتبعت كل شرط بدليله مع المحافظة على لفظ المصنف. دي ما فوا دون لكريتور دون لكريتور دو سيت رسالة سي كو بروميارمون جي إكري لي كونديسيون دو لا إله إلا الله et j'ai suivi cette condition de sa preuve en préservant les expressions qu'a utilisé l'auteur, c'est-à-dire qu'a utilisé l'imam Mohamed Ibn Abdelwahab رحمه الله عليه. ثانيا عزوت الآيات القرآنية التي استدل بها المصنف إلى مواضعها من الصور كما قمت بتخريج أحاديثه. Deuxièmement, j'ai cité la place des versets où se trouvent dans le Coran. Ces versets qui sont cités comme preuve dans cette risala de Cheikh Mohamed Ibn Abdelwahab. Et aussi, j'ai montré où se trouvent les hadiths qui sont cités par Cheikh Hafidhahullah rahimahullah. يقول ثالثا تنبأ الإسلام لهذا تقصدت في شرحي للأدلة النقول على عن أهل العلم فجعلتها جل الشرح لأسباب كثيرة. تأمل لهذه النقطة. C'est troisième point est très important. Fais attention à ce point-là. Mon but dans l'interprétation, toutes les preuves que j'ai interprétées ici, j'ai fait l'interprétation à partir de la parole des hommes de science. À partir de la parole des hommes de science. Hein? Et il a fait que ce soit la plus grande partie de l'interprétation de cette risala. Hein? Et ceci est très important. Awalan, pourquoi? Atiraf al-sarih لأهل السابقة من علماء الإسلام والأئمة بالفضل الجزيل علي يحفزني على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. دي pourquoi دي je reconnais les vertus de ceux qui m'ont devancé dans la science et leur bienfait sur moi et les vertus des imams de la communauté et leurs grands bienfaits sur moi et sur la communauté. Et il me pousse à agir ainsi. La parole du messager alayhi salatu salam n'est pas reconnaissant vis-à-vis d'Allah celui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis des gens. Ceci te prouve quoi? Te prouve la modestie des hommes de science. Et que quand ils font quelque chose, ils attribuent la chose à ceux qui l'ont faite. Hein? Ils ne déguisent pas les situations. Hein? Ils ne font pas du tel bis. Et en plus de ça, c'est une forme d'éducation pour t'orienter, toi, le jeune, de ne pas être imbu de toi et de ne pas sortir de cette chaîne dans laquelle tu dois rester. Tu es un anneau d'une chaîne qui doit rester à l'intérieur de cette chaîne et attaché. Hein? Pour que tu sois dans la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu ne te marginalises pas. Tu ne prends pas une voix au devant des hommes de science et au devant de ceux qui t'ont précédé sur ce noble chemin qui amène vers l'agrément d'Allah. Et ceci est très important à l'islam. Taniyan al-isham في دعوة شباب الإسلام المتطلعين إلى سبل الرشاد والاستقامة والمتحمسين لسبل الإصلاح والإصلاح إلى أن ينهلوا من كتب علماء الإسلام الذين بنوا فقههم على الكتاب والسنة وتربوا عليهما وأن لا يغتروا ببريق الكتب الفكرية المعاصرة فإن غالبها مبني على الجهل بحقائق الدين أصولا وفروعا. Il a dit deuxièmement, c'est pour inviter, c'est une da'wa que je fais à la jeunesse musulmane qui veut aller dans la voie droite et qui veulent être dans la droiture et qui sont enthousiastes pour le chemin de la réforme et pour le chemin du bien, qu'ils doivent, je les incite, à prendre des livres d'hommes de science dignes du nom, et ne pas sortir de l'explication de ces hommes de science dignes du nom de cette communauté. Ces hommes de science qui ont basé leur compréhension sur le livre d'Allah et la sunna du prophète et qui ont été éduqués là-dessus, et que les jeunes fassent attention et qu'ils ne se fassent pas avoir par les livres des penseurs contemporains et de la pensée contemporaine, car la majorité de ces livres sont basés sur l'ignorance une ignorance énorme sur la réalité de la religion, que ce soit au niveau de ses fondements, au niveau de ses détails. Hein? Alaykoum salam. يقول ثالثا لعلي أعطيت دليلا قاطعا على أئمة الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن قبله كالإمام أحمد ومن جاء بعدهما مثل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والعلماء المعاصرين مثل ابن سعدي هم خير من يشرح لا إله إلا الله ويعرفون الناس حقيقتها والعمل بمقتضاها. Il dit troisièmement, je crois que j'ai donné une preuve irréfutable, irréfutable, que les imams de l'islam, comme Cheikh l'islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, et avant lui l'imam Ahmad rahimahullah, et ceux qui sont venus après eux, comme Cheikh l'islam Mohammed Ibn Wahhab rahimahullah, et les hommes de science contemporains comme l'imam Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala et d'autres, ce sont eux les mieux et les meilleurs qui ont donné l'interprétation de la ilaha illallah et les mieux qui ont fait connaître aux gens la réalité de la ilaha illallah et la mise en application de la ilaha illallah. يقول ويعرفون الناس حقيقتها أي حقيقة لا إله إلا الله والعمل بمقتضاها وأن من ادعى ذلك في أرباب الكتب الفكرية قد أبعد النجعة وأعظم الفرية ووجه سهما من السم بمقالته تلك بالتهوين من شأن أئمة الدعوة السلفية ودعاة الأمة عامة والشباب خاصة إلى الانحراف عن منهج السلف وركوب البدع وما أحسن ما قاله أبو عثمان نيسابوري رحمه الله من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. Et il dit, Habidallah Ta'ala, et ce sont eux, ces imams de l'islam, et ces dignes de la communauté qui ont fait connaître aux gens la réalité de la ilaha illallah. Il a mis en application des obligations de la ilaha illallah et de ce que implique la ilaha illallah. Il dit, tous ceux qui ont prétendu, parmi les penseurs et les écrivains penseurs, hein, autre chose, ils sont loin. Ils ont été loin. Ils ont ramené des mensonges, hein, sur la ilaha illallah et sur l'interprétation de la ilaha illallah. Ils ont tiré une flèche empoisonnée avec leurs paroles qui emmène la jeunesse à négliger, hein, les imams de la da'wa salafia et les prêcheurs dignes de cette communauté, de cette voie salafie, et qui ont induit les jeunes en général, en particulier vers la déviance de la voie des pieux prédécesseurs, et vers le fait de tomber et de baigner dans l'innovation. Et il dit qu'il est belle la parole d'Abu Uthman al-Naysaburi rahimahullah qui a dit, celui qui prend comme commandant sur son nefs, c'est-à-dire sur sa personne, la sunna, au niveau de la parole et au niveau des actes, il parlera avec la chasesse, il parlera à la perfection. Et celui qui prend comme commandant sur son œuvre, sur soi-même, les passions, ah, bah, ses paroles et ses actes seront de l'innovation à l'islam. Ah. Ici, cher, dans ce passage, il attire ton attention et il t'avertit contre eux, tous les livres de ses penseurs qui ont donné une autre interprétation à la ilaha illallah et aux conditions de la ilaha illallah et qui ont sorti la ilaha illallah de son contexte et de sa signification. Il fait allusion ici Ah, ceux qui expliquent la ilaha illallah, comme quoi Allah c'est le créateur, Allah c'est l'innovateur, Allah qui donne la subsistance, et elle fait attention aussi à ceux qui ont fait de la ilaha illallah, que sa signification c'est juste les lois appartiennent à Allah, ils l'ont expliqué par al-hakimiyya tout simplement. Donc, il attire ton attention sur le fait de faire très attention que tes interprétations, tu dois les prendre de tes pieux prédécesseurs, ridwanullah alayhim. Et que tu ne dois pas faire attention à la parole de ces égarés, égareurs, hein, qui sont loin de la voie de leur puiser, ridwanullah alayhim. Tout ce qu'ils ont, c'est de la dissertation. Hein, et avec cette dissertation, et le fait d'embellir les paroles, hein, ils drainent le monde derrière eux, et ils les emmènent vers un fleuve de perdition, hein, et vers la perte de ce bas monde et de l'au-delà, s'ils ne reviennent pas vers la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Wa yaqulu hafidhahu Allah ta'ala wa adama umurahu fi ta'atih wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Katabahu al-faqir ila Allah Ubayd ibn Abdillah ibn Sulayman al-Jabiri المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية حرصها الله وبارك فيها وفي مشايخها وعلمائها دعاة الحق على نور من الله وبصيرة. Et après avoir terminé cette introduction, il fait la prière sur le prophète عليه الصلاة والسلام, sa famille, ses nobles compagnons. Il dit, ceci a été écrit par le pauvre devant Allah et celui qui a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ubayd ibn Abdillah ibn Sulaym al-Jabiri, l'enseignant à l'université islamique de Médine. À l'époque où il a écrit cette risala, il était encore enseignant à l'université de Médine. Que Allah subhanahu wa ta'ala la protège et que Allah subhanahu wa ta'ala la bénisse, ainsi que ses shuyukh et ses hommes de science, les prêcheurs de la vérité avec clairvoyance et avec preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله تعالى شروط لا إله إلا الله. قال رحمه الله أي قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شروط لا إله إلا الله. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde. Ça veut dire Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala a dit les conditions de la ilaha illallah. Qawluhu shurut jam'u shartin wa shartu fi al-lugha al-alama wa yajma'u ala shurut wa ashrat wal muradu huna ما يتحتم على المكلف معرفته والعمل به حتى يكون موحدا ظاهرا وباطنا. Il dit حفظه الله تعالى. Le fait que l'imam Mohammed ibn Abdullah a dit les shurut, ça veut dire les conditions. Ça c'est le pluriel de shart. Shart qui est au singulier. Et shart, c'est un signe en langue arabe. Et son terme au pluriel, c'est shurut ou ashrat. Et ce qui est voulu aussi, ce qui est obligatoire à tout un chacun de nous qui est pubère, qui est atteint l'âge de puberté, de savoir et de mettre en application pour qu'il soit monothéisme dans son intérieur, dans son fort intérieur et dans son apparence. Et que ce sont des choses obligatoires que tu dois savoir et mettre en application pour que tu sois un réel monothéisme dans ton cœur et dans ton fort intérieur et aussi dans ton apparence. الشرط الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا. La première condition, c'est le fait de savoir la négation et l'affirmation qu'il contient. La connaissance de l'affirmation et de la négation qui est contenue dans la ilaha illallah. ودليل العلم قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم. Cheikh Ubayd de Ghamni dit la preuve de la science, de cette première condition qui est la science, c'est le verset dans Sourate Muhammad où il est dit « Et sache qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah ». Et aussi L'autre verset où il est dit, sauf ceux qui ont attesté la vérité, en le sachant. C'est-à-dire ils ont attesté la ilaha illallah, mais avec savoir. En le sachant avec leur cœur, en sachant avec leur cœur ce qu'ils ont prononcé avec leur langue. ومن السنة أي الدليل من السنة الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغفر له et de la sunna, donc la preuve de la sunna, ce hadith confirmé, authentique, du prophète alayhi salatu wasalam, hadith de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa arda, il a dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt en sachant ce que ça veut dire, la ilaha illallah, ni digne d'être adoré qu'Allah, rentre au paradis. Le hadith est rapporté par l'imam muslim. Wa qawluhu al-ilmu bima'naha nafyan wa itbatan. Et la parole de Mohamed Abdelhab, rahimahullah ta'ala, où il dit, et savoir sa signification au niveau de la négation et de l'affirmation. Yaqul al-shaykh, yatadammanu shartuha al-awwal, nafyu al-ibadati, amma siwa Allahi azza wa jal, kama yatadammanu shartuha al-tani, itbatuhu lahu subhanahu wa ta'ala. فكما أن الحق جل في علاه لا شريك له في ملكه وخلقه وتدبيره فإنه لا شريك له في عبادته il dit حفظه الله تعالى la signification de la science qui est le fait de connaître la négation et l'affirmation que contient la ilaha illallah contient la première condition c'est le fait de nier l'adoration à tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi dans la deuxième partie, c'est confirmer cette adoration seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'associé dans ce royaume, ni dans la création, ni dans la gérance de cet univers, il n'a pas d'associé dans l'adoration à l'islam. يقول الشيخ عبيد حفظه الله تعالى ومتع به وادام عمره في طاعة الله عز وجل وهذا ما بعث الله به النبيين والمرسلين واتفقت عليه دعوتهم قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Et Cheikh Ubayd de nous dire, Habibullah Ta'ala, et c'est avec ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes et les messagers alayhi salatu wassalam. Et leur da'wa était unique et unanime sur cet appel, l'appel vers le monothéisme, l'appel vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous cite le verset dans Surat Al-Anbiya. Tout messager que nous avons envoyé avant toi, il s'adresse à qui? À Muhammad alayhi salatu wasalam. Tout messager que nous avons envoyé avant toi, nous lui avons révélé qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, adorez-moi. Hein? Le pronom revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'abuduni. Wa qala Nuhun, wa Hudun, wa Salih. عليهم الصلاة والسلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نوح ainsi que Hud ainsi que Salih عليهم الصلاة والسلام on dit comme il est rapporté dans le Coran au peuple adorez Allah vous n'avez d'autre digne d'être adoré qu'Allah vous n'avez d'autre digne d'être adoré à part Allah سبحانه وتعالى وقال تعالى مخبرا عن اتفاق دعوة الأنبياء والمرسلين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الله سبحانه وتعالى de nous annoncer et de nous montrer dans le Coran comme quoi La da'wa du prophète alayhi salam, il était unique. Hein? Le verset il dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager qui leur a dit, adorez Allah, évitez Tarot, c'est-à-dire évitez tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال عن الخليل عليه الصلاة والسلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون إنني براء لا إله ها إلا الذي فطرني إلا الله نفي وإثبات الإسلام في دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إي لنتم الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام كم إلي ستي دون الفرسي دون سورة الزخرف كنت إبراهيم دي à son peuple à son père et à son peuple je vous dis à vous est-ce que vous adorez en dehors d'Allah et ça c'est la signification de la ilaha sauf celui qui m'a créé et là c'est illallah l'affirmation sauf celui qui m'a créé et qui me guide et il a fait que cette parole la parole de l'unicité est restée dans sa descendance pour qu'ils y reviennent hein? Donc dans la da'wa du prophète alayhi salatu wassalam l'appel était à le fait de réserver le culte exclusivement à Allah hein et de ne réserver aucun culte à qui que ce soit. L'affirmation du culte à Allah et la négation du culte à tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala fi ma amara bihi nabiyahu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam an yuballighahu hadhihi al-umma wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah. Wa qala fi mawdi'in akhar wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an. Et Azza wa Jal, il a dit dans ce qu'il a ordonné à Muhammad alayhi salam de transmettre à cette communauté, wa qada amara, il a ordonné, Allah a ordonné, ton souverain a ordonné que vous lui réservez le culte uniquement. Et dans un autre droit, il a dit, adorez Allah et ne lui faites aucun associé. يقول الشيخ عبيد حفظه الله فهذه الآيات وما في معناها من الكتاب الكريم صريح الدلالة على أن الأنبياء والمرسلين جميعا دعوا قومهم إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله et ces versets et les versets qui sont dans ce même sens dans le livre d'Allah ce sont des preuves claires comme quoi les prophètes et les messagers tous ont appelé leur peuple vers l'accomplissement du la ilaha illallah comme quoi qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah comme quoi les gens doivent réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et la signification de cette noble parole c'est ni digne d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala ça ne veut pas dire le jugement est à Allah subhanahu wa ta'ala abadan Al-Hakimiyya, autour de laquelle parlent les Sururi et les Qutbi, autour de laquelle a parlé le Huwayni et d'autres comme Hassan Mohamed Hassan et les autres de leur tendance, la Badan. Cette Hakimiyya rentre dans le monothéisme de l'adoration. Et ce n'est pas la signification de la ilaha illallah. Et ce n'est pas une autre forme de. Hein? Une autre forme du monothéisme. Abadan akhal Islam. Abadan, il rentre dans le monothéisme de l'adoration. Et jamais la ilaha illallah, sa signification c'est l'hakimiyya. Abadan, comme l'a décrété Sayyid Qutb dans ses livres, il l'a pris de qui? De l'Maududi. Hein? Et la chaîne du mal qui a drainé le mal à la communauté s'est suivi l'Maududi, Sayyid Qutb, Soror. Et après tous les prêcheurs que tu as maintenant, Abou Ishaq, et ainsi de suite. Hein? La chaîne de la déviance. Qawluhu, فاعلم أنه لا إله إلا الله تمامها واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Il dit, compte, et concernant la parole d'Allah, et sache qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, il a dit la suite, pour la compléter, il vient quoi après? Et repends-toi de ton péché, hein? Et du péché des croyants, il demande le pardon aux croyants et croyantes. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait comment vous tournez et c'est quoi votre fin. Hein? C'est pour ça. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, quand il a ouvert le chapitre de la science, il a dit la science avant la parole et les actes. Et il a ramené quel verset? Il a ramené ce verset. Et sache qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah. Et repends-toi de tes péchés, le repentir est un acte. Et donc il a dit le savoir doit arriver avant les actes. Et ça, c'est la clairvoyance avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a comblé les hommes de science de cette communauté. Et a comblé tous ceux qui sont restés sur la voie de leur messager, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et qui se sont cramponnés à la voie du noble compagnon, radhiyallahu alayhi. Et tous ceux qui ont dévié de cette voie et qui ne l'ont pas respectée sont tombés sur leur tête dans la déviance et dans les mauvaises interprétations. قال ابن سعدي رحمه الله العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته بمعنى ما طلب منه علمه وتمامه أن يعمل بمقتضاه. إيش الشيخ عبيد كم إلا نوصد ولا تخدكسون السيت l'interprétation d'Ibn Sa'di concernant ce verset il sache qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah. Cheikh Sa'di lui dit la science, il est obligatoire dedans l'approbation du cœur et la confirmation du cœur doit y être, hein? Ainsi que la connaissance. La connaissance, l'approbation et la confirmation, hein? C'est-à-dire le cœur doit connaître ce qui lui est demandé de connaître, l'approuver et le confirmer, et de le mettre en application. Et de mettre ce que ça implique en application. Voilà le savoir chez nos puzzles, wallah alim. C'est pas tout simplement des données. Là, les données et les approuver, les confirmer et les mettre en application qui est le but principal à l'islam. يقول رحمه الله واسكنه فسيح جناته وهذا العلم الذي امر الله به هو العلم بتوحيد الله فرض عين على كل إنسان لا يسقط عن أحد كائنا من كان بل كل مضطر إلى ذلك. Et il dit رحمه الله تعالى cette science que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, c'est la science du monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala il est unique dans ses actes, dans ses attributs, et nous devons l'unifier dans nos actes d'adoration. Et ceci est une obligation individuelle pour chaque être humain. Chacun de nous doit connaître Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms, par ses actes, et savoir qu'il doit lui réserver le culte exclusivement. Il est obligatoire pour tout et chacun de nous. Et ça ne peut pas tomber pour quelqu'un. Il n'y a pas d'exception pour qui que ce soit dedans. Tout le monde doit l'apprendre. N'importe qui, les grands, les petits, les présidents, les moins présidents, hein, les pauvres, les riches, tout le monde, les hommes, les femmes, tout le monde, ça nous concerne tous, ils nous sont obligés, et nous en avons besoin pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. والطريق يقول السعدي رحمه الله تعالى وغفر له والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله أمور. إمام السعدي رحمه الله il dit le chemin pour connaître que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul digne d'être adoré passe par certains points. أحدها بل أعظمها تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله فإنها توجب بذل الجهد في التأله له والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. Il dit la première, la plus importante, la plus grande, la plus géante, c'est de méditer ses noms et ses attributs. Et de méditer aussi ses actes qui prouvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait. Et c'est le summum du parfait et qui prouve la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a ni début ni de fin. Et tout ceci implique de la personne qui va faire des efforts quand il connaît la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça doit faire naître en lui le fait de faire des efforts pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et pour être un réel serviteur à ce souverain complet dans tout, dans le sens le plus large du terme. Allah subhanahu wa ta'ala, il a toute la louange, il a toute la majesté, hein, et toute la beauté au sens large du terme, comme tu, on ne peut même pas l'imaginer. Azza wa Jal, hein. Et sache frère en Allah, Azza wa Jal, la connaissance des noms et des attributs d'Allah, c'est quelque chose de très important. Mais ça ne veut pas dire de les chanter ou de les réciter. Allah, tu les connais, mais tu adores Allah subhanahu wa ta'ala avec. Si tu sais qu'il est alim, qu'il sait tout, que rien lui échappe, tu ne dois pas faire ce qu'il ne veut pas de toi et ce qu'il n'agrée pas de ta part. Si tu sais qu'il est basir, qu'il voit tout, tu ne dois pas non plus être dans les endroits où tu ne dois pas être. Hein? Et ainsi de suite. Ça veut dire que ces noms et ces attributs doivent avoir un impact dans notre vie. Hein? À quoi ça sert? Je dis la ilaha illallah. Je prie, je jeûne, etc. Et je dis Allah il est basir, Allah il est alim. Et je sors de Salat al-Jumu'ah et je vais au PMU, je gratte un ticket. J'ai compris ce que ça veut dire basir. J'ai compris ce que ça veut dire alim. Hein? À quoi ça sert en étant jeune? Je fais ma prière du vendredi, etc. Et je retrouve la petite copine dans les jardins de le square de la ZUP. À quoi ça sert? Je transgresse les lois d'Allah. Où il est basir, où il est alim dans ces cas-là? À quoi ça sert? Les lumières sont éteintes, je suis devant mon PC. Et je tchatche avec une inconnue. Où il est alim et basir? Hein? Les noms et les attributs, la connaissance des noms et des attributs doivent être une réalité dans notre vie à l'islam. C'est ça la réelle connaissance. Pas les citer ou les chanter comme tu les vois sur certaines chaînes de télé, hein, ou les faire en ces musiques qu'ils font maintenant avec ces groupes qu'ils appellent groupes de anachides islamiques. Ils ont de l'islam rien du tout, hein. La musique fait partie de l'islam, les synthétiseurs font partie de l'islam, les noms et les attributs d'Allah sont là pour les rythmer et danser dessus, chanter dessus. C'est pour ça qu'ils sont descendus. Ça c'est la contradiction avec la ilaha illallah. C'est la contradiction avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Tani yaqulu al-Shaykh al-ilmu bi-annahu ta'ala huwa al-munfaridu bil-khalq wal-tadbir fa'ya'lam bi-dhalika annahu al-mufradu bil-uluhiyya. Deuxièmement, la connaissance, hein, de la ilaha illallah, c'est que passe par le fait, deuxièmement, que tu connaisses que il est le seul qui crée, le seul qui gère cet univers, et rien ne peut être dans cet univers sans le vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et partant de là, donc il est le seul à qui le culte doit être réservé. Al-Talit, al-ilmu bi-annahu al-munfarid bin-ni'am zahira wal-batina. الدينية والدنيوية فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته والتأله له وحده لا شريك له. Troisièmement, c'est de savoir qu'il est le seul qui comble avec les bienfaits, apparents et cachés. Les bienfaits que tu vois et les bienfaits que tu ne vois pas. Les bienfaits de la religion et les bienfaits mondains. Et ceci va faire naître en la personne, cette connaissance fera naître en la personne, c'est que son cœur va être attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Et partant de là, il va réserver son culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول من الأمور كذلك التي هي طريق إلى المعرفة بلا إله إلا الله ما نراه الأمر الرابع ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة ومن عقوبة لأعدائه المشركين المشركين به فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها. Quatrièmement, il dit, ce que nous voyons, ce que nous entendons, les récompenses que Allah subhanahu wa ta'ala réserve à ses alliés, à ceux qui préservent ses droits, à ceux qui ont accompli le monothéisme, le triomphe qu'il leur a donné, les bienfaits dans ce bas monde avec lesquels il les a comblés, et aussi le châtiment qu'il a fait sévir. Ah, ce que nous avons entendu comme châtiment qui a fait subir à ses ennemis et aux associateurs, ceci appelle à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et appelle au fait comme quoi il est unique et qu'il est le seul qui mérite et qui est digne qu'on l'adore. يقول الأمر الخامس من الأمور التي يطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة وأنها ناقصة من جميع الوجوه فقيرة بالذات لا تملك لنفسها ولا لعابدها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ينصرون من عبدهم ولا ينفعونهم بمثقال ذرة من جلب خير أو دفع شر. Il dit la cinquième, le cinquième point qui va te permettre de connaître qu'il est le seul digne d'être adoré, c'est le fait de connaître la description des statues et tout ce qui s'est adoré en dehors d'Allah. Et la description de ce qu'on met à l'équivalent Allah subhanahu wa ta'ala. Et la description de tout ce qui s'est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de tout ce qui est pris comme divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Restez avec le cours, il y a quelqu'un qui s'occupe d'eux. Et que tout ce qui s'est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est diminué. Il ne peut rien à lui-même. Ni le bien il peut pour lui-même, ni le mal, ni il peut pousser le mal pour ceux qui l'adorent, ni ramener le bien pour ceux qui l'adorent. Il ne peut donner ni la vie ni la mort. Il ne peut pas faire ressusciter non plus. Il ne peut pas faire triompher ceux qui les ont adorés. Ils leur peuvent même pas un atome de bien, ils peuvent leur ramener. Ni ils peuvent leur repousser un mal. Abadan. يقولوا فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا الله وبطلان إلهية ما سواه. Il dit, car le fait de connaître ceci, de connaître que ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut rien, ne peut ni ramener le bien, ni le mal, etc. Ceci implique la connaissance comme quoi le seul qui est digne d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a été adoré faussement et nullement, et que ça ne sert à rien du tout. Beaucoup de gens croient que ce qui s'est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des pierres et ce sont des statues. Abadan akhal islam. Abadan. Il y a des gens qui ont adoré les vertueux. Il y a des gens qui ont adoré les arbres. Il y a des gens encore qui ont des temples de cobras, de rats aussi, de fourmis. Hein? Le soleil, vazinta. Hein? Les tombes à l'islam pour lequel on égorge en dehors de Allah. Il ne faut pas croire comme certains disent. L'associationnisme et l'adoration d'autres classes en est-il terminé avec les gens qui adoraient les statues? Abadan akha l'islam. Tout ce qui s'adore en dehors de Allah, on l'a mis à pied d'égalité avec Allah. Hein? Et de là, ça peut être. Wa alaykum salam wa rahmatullah. C'est beaucoup de choses qui rentrent dedans. Hein? سادسا السادس اتفاق كتب الله على ذلك وتواطئها عليه. Le sixième point qui t'amène à la connaissance comme quoi il n'est digne d'être adoré qu'Allah, c'est que les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala tous sont unanimes. Tous unanimes sur le fait qu'il est le seul digne d'être adoré. سابع أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا ورأيا وصوابا وعلما وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون قد شهدوا لله بذلك. Et le septième point qui te ramène au fait de connaître qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, c'est que les particuliers de la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les plus complets de la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala au niveau de leur raison, au niveau de leur comportement, au niveau de leur opinion, au niveau de leur science, ce sont les prophètes et les messagers et les hommes de science dignes du nom akhal l'islam. Tous, ils ont attesté qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Le verset il est clair. Allah a testé qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, et que les anges ont attesté et les hommes de science ont attesté, tous ils ont attesté que le seul qui est digne d'être adoré c'est Allah subhanahu wa ta'ala. التامن ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة تنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه فهذه الطرق. يلجي حفظه الله تعالى لويتيام بوان كي تامن فيغ لو فات de parfaire la connaissance comme quoi il est digne, que le seul digne d'être adoré c'est Allah. C'est tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait dans cet univers à la raison, tout ce que tu vois, toute cette créature et toi-même, hein? Tout ça prouve qu'il est unique, tout ça prouve le monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça c'est une énorme preuve qui appelle, elle-même appelle vers l'unicité d'Allah. Elle-même, cette création, décrète l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par cette perfection que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans cette création. Elle est à la perfection. Hein? Regarde, prends un exemple. Tout ce que crée l'être humain, tombe en panne, ta voiture, il faut la ramener, elle est créée par l'être humain. Il faut la ramener vers le médecin, etc. Regarde, quand tu es négligent au niveau de ta santé et que tu prends du truc et tu te rends malade, est-ce qu'après hein, le médecin et tout ça ils peuvent remédier à quelque chose? Hein? Ce corps que Allah subhanahu wa ta'ala fait à la perfection, quand il est décrété qu'il a une faille, quelqu'un peut, peut remettre la faille? Quand tu perds tes dents, même si quand on te plante ils sont comme les originaux, hein? Abadan, abadan. Ceci te prouve la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de là prouve qu'il est le seul digne d'être adoré. Hein? Parce que ce monde fait à la perfection. Et cette extraordinaire création qu'il y a, Hein, tout ça mène vers le fait de la reconnaissance qu'il est seul digne d'être adoré. فهذه الطرق يقول الشيخ السعدي رحمه الله التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله وأبداها في كتابه وأعادها عند تأمل العبد في بعضها لا بد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتفقت وقامت أدلة للتوحيد من كل جانب et il dit rahimahullah ta'ala wa ghafara lah ces voies que Allah subhanahu wa ta'ala fait nombreuses pour appeler les gens pour appeler les créatures vers le fait qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et qu'il a émis dans son livre et qu'ils sont répétés par Allah subhanahu wa ta'ala contre l'être humain hein, médite certaines de ces voies seulement certaines de ces voies pas toutes. S'il médite juste certaines, il aura la certitude et la science comme quoi il est le seul digne d'être adoré. Qu'est-ce qu'il en est quand tous ceux-ci, tous ces voix sont réunies chez quelqu'un? Hein? Et ces voix sont toutes unanimes sur le fait qu'il est le seul digne d'être adoré. Et ces voix te montrent la preuve du monothéisme de tous les côtés. Ces voies te drainent et t'orientent vers le monothéisme de tous les côtés. Hein? Vois cette création, comment il marche à la perfection, cet être humain, comment il est, etc. Ben, tout ça t'oriente vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et vers l'accomplissement du monothéisme. Yaqul wa fahunaka yarsakhu al-iman wal-ilm bidhalik wal-kalam la zala lis-sa'di rahimahullah. فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد بحيث يكون كالجبال الرواصي لا تزلزله الشبه والخيالات ولا يزداد على تكرر الباطل والشبه إلا نموا وكمالا. Écoute ce que dit l'imam Saad رحمه الله. Essaye de l'avoir devant ton esprit. Il dit et là, la foi s'ancre. Ainsi que la science, la foi et la science s'ancrent dans le cœur du serviteur. Et il devient comme des montagnes stables. Comme des montagnes stables qui ne s'ébranlent pas et qui ne bougent plus. Devant les ambiguïtés, devant les imaginations et les illusions. Et par la répétition du faux, il ne fait qu'augmenter et être ferme. Hein? Avec quoi? Avec cette connaissance d'Allah. Avec ces points qu'il a cités chers, la foi augmente. Hein, dans le cœur du serviteur de l'Asman, sa connaissance aussi, et cette foi qui augmente avec la connaissance, fait que cette personne, devant les ambiguïtés, elle est comme une montagne stable. Au contraire de quelqu'un qui est léger dans la connaissance d'Allah, dans la connaissance des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est comme la plume de la queue du coq. Tu la prends, tu la jettes dans un désert ou dans un terrain vague, le vent il vient de l'est, il la balaye, il vient de l'ouest, il la prend de l'autre côté, il vient du nord, il l'amène vers le sud, il vient du sud, il l'amène vers le nord. Et toutes ces perturbations que malheureusement ont notre jeunesse et qui sont perturbées tout le temps, et ils ont des ambiguïtés tout le temps, et il leur vient des ambiguïtés tout le temps, que ce soit les ambiguïtés des khawarij, les ambiguïtés de ceci, de cela, tout ceci à l'islam, hein, son remède, c'est cette connaissance parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala, et des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette aqida solide que tu dois avoir sur Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est le remède essentiel à l'islam, hein. Combien hein? J'ai des doutes, je ne sais plus où je mets la tête. Eh bien, c'est normal. Ton édifice a été mal construit. Donc revois-le, reconstruis-le sur de nouvelles bases et sur une connaissance réelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses noms, de ses attributs, hein, et sur une soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le monothéisme et dans le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Si tu veux que tu sois une montagne comme la montagne de, et que ton cœur devient une montagne de, hein, comme la montagne de l'Himalaya ou autre qui ne bouge plus, voilà, tu es obligé de passer par là. Allah il te l'a ordonné. Il sache qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah. Et donc c'est obligé. Et c'est la voie qu'ont pris tes pieux prédécesseurs, et c'est la voie qu'enseigne et que conseillent les dignes de la communauté. Donc ne sors pas de cette voie là pour être, pour avoir cette solidité et cette fermeté. Hein? Fayaqulu al-Shaykh al-Sa'di rahimahullah. هذا وإن نظرت إلى الدليل العظيم والأمر الكبير وهو تدبر هذا القرآن العظيم والتأمل في آياته فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل في غيره انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له. Et Cheikh Saadi de continuer de dire dans ce qu'il nous a transmis ici, Cheikh Obeid, Hafidhahullah Ta'ala, il dit, Rahimahullah, quand tu regardes à la preuve géante et à l'énorme preuve, hein, qui est le fait de méditer le Coran, le géant Coran, qui est la parole d'Allah, et de méditer les versets de ce Coran, il dit ça, c'est une porte énorme pour la connaissance du monothéisme et avec laquelle tu vas avoir le monothéisme en général et en détail aussi et détaillé aussi la chose que tu ne peux pas obtenir avec autre chose, hein? Et comme il est passé auparavant avec nous dans l'introduction que le Coran en entier tourne autour du monothéisme, donc le fait de le méditer comme le dit Cheikh Saadi rahimahullah, tu obtiens et tu as cette connaissance du monothéisme. فيقول الشيخ عبيد حفظه الله تعالى ومتع به ماذا تفيد هذه الآية أي آية التي في سورة محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الشيخ عبيد pour conclure cette première condition, il dit qu'est-ce qu'on retient de ce verset, c'est-à-dire le verset il sache qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, hein. يقول أولا وجوب العلم بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا وقد ذكر الشيخ رحمه الله الطرق الموصلة إلى هذا العلم. Premièrement, il dit رحمه الله تعالى وغفر له ومتع به. Premièrement, on doit retenir de ce verset l'obligation du fait de connaître la signification de la ilaha illallah et la négation que contient la ilaha illallah et la confirmation que contient la ilaha illallah. Et il a dit, Cheikh Saadi rahimahullah, t'as cité les moyens et la voie par laquelle tu arrives à cette science. Il a cité combien de points? Combien de points nous avons cités? Ah, tu étais là? Oui, Tahal Islam. Oui, on n'est pas encore, on ne sait pas encore. La six est encore là, vous avez oublié déjà. Oui, Takhal Islam il a cité. يقول رحمه الله ومتع به ثانيا في أمره صلى الله عليه وسلم بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات شمول للعصاة من المسلمين. Il dit deuxièmement, ce qu'il faut retenir de ce verset, c'est que dans l'ordre qu'a reçu le messager alayhi salatu wassalam de se repentir de son péché, de demander le pardon pour les croyants et les croyantes, que ceci englobe les désobéissants parmi les musulmans. Hein? Ça englobe qui? Les désobéissants parmi les musulmans. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى. الإمام أحمد الدرودي غيسا سي لا فوا دو تي بيو بريديسيسور إنو لا فوا دي خوارج لا فوا دي خوارج إلي كونتخيغ أسي بارول دو الإمام أحمد رحمه الله. Ahmed de dire, et celui qui meurt parmi les gens de la Qibla, c'est-à-dire parmi les musulmans, hein, en étant monothéiste, on prie sur lui, on fait des du'as pour lui, hein, et le fait qu'il a fait des péchés, qu'ils soient gros ou petits, n'empêche pas qu'on doit faire du'as pour lui. Et sa situation appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Sa situation appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la voix de tes pieux prédécesseurs, qui est contraire à la voix des khawarij, qui voit que celui qui tombe dans un péché capital, il est éternellement au feu de l'enfer. Et la voix du Mu'tazila, qui voit que le pécheur et celui qui tombait dans les péchés parmi les musulmans de cette communauté, il est dans ce bas monde, il est dans une situation entre deux situations. Ni musulmans ni croyants, ils ne reconnaissent pas ça. Mais à la fin, ils se rejoignent avec le Khawarij en décrétant qu'il sera au feu de l'enfer. Ils sont d'accord avec eux à la fin qu'il sera au feu de l'enfer. Yaqulu al-Sheikh Ubayd hamidahullah. قلت هذا هو ما أجمع عليه أهل السنة في من مات على كبيرة من أهل التوحيد. Il dit حفظه الله تعالى, ça c'est l'unanimité sur laquelle étaient les gens de la sunna et sur laquelle sont et seront les gens de la sunna pour tout musulman qui est mort tout en faisant des péchés capitaux parmi les gens du monothéisme. On lui fait du'a, on prie sur lui, on l'enterre dans les cimetières des musulmans et ainsi de suite. Qu'on déplaise al-Khawarij. Thalithan, ihatatu ilmi Allah bi'amali al-ibad wa mujazatuhum alayha. Troisièmement, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala cerne les œuvres de ses serviteurs et il les récompense pour leurs œuvres. Et il connaît leurs œuvres avant qu'il les fasse. 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala a créé la plume et lui a dit écris ce qu'il va être et ce qu'il sera jusqu'à la fin des temps. Yaqul qawluhu illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun. قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذا استثناء منقطع أي لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم فإنه تنفعه شفاعته عنده بإذنه له. Pour le deuxième verset, le Cheikh a cité pour les preuves de la science, sauf ceux qui ont attesté la vérité tout en sachant, tout en ayant le savoir, en sachant avec leur cœur ce qu'ils ont prononcé avec leur langue. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala de dire ça c'est une exception, que ceux qui ont attesté la vérité avec science, l'intercession va leur servir, l'intercession après leur Allah subhanahu wa ta'ala leur servira, ils auront l'intercession. L'intercession de qui? Du prophète alayhi salatu wassalam. قوله اي بلا اله الا الله. قال الشيخ ابن سعدي اي نطق بلسانه مقرا بقلبه عالما بما يشهد به ويشترط ان يكون شهادته بالحق وهي الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولرسله بالنبوة والرسالة وصحة ما جاء به من أصول الدين وفروعه وحقائقه وشرائعه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له. إيه اللي avec لا إله إلا الله. Il dit, Cheikh Sa'di, rahimahullah, dans son exégète, a dit, il a prononcé avec sa langue, la ilaha illallah, tout en confirmant avec son cœur, et tout en ayant le savoir dans son cœur sur la ilaha illallah. Il a le savoir de l'attestation qu'il a fait. Mais l'attestation doit se faire avec la vérité, c'est-à-dire l'attestation de vérité. La ilaha illallah. Sauf ceux qui ont attesté la vérité en le sachant. Hein? Et cette attestation, c'est quoi? C'est le fait d'avoir attesté le monothéisme à Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir attesté la prophétie, le message aux envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont les prophètes et les messagers alayhim salatu wassalam. Et comme quoi ce qu'ils ont ramené d'Allah subhanahu wa ta'ala est véridique, que ce soit en ce qui concerne les fondements de la religion ou les branches de cette religion et la réalité de la législation et des législations qu'ils ont ramenées. Et s'il s'arrête à notre passage de la parole de l'imam Saadi rahimahullah. Qawluhu fi sahih, ay fi sahih muslim. Et quand l'imam Mohamed Abdel Wahhab a dit dans l'authentique, ça veut dire dans l'authentique du muslim. Qawluhu man mata wa huwa ya'lam ila akhir al-hadith. قال النووي رحمه الله مبوبا عليه في كتاب الايمان باب الدليل على ان من مات على التوحيد دخل الجنه قطعا. Et la parole qu'a citée, hein, l'imam Mohamed Ibn Lahab, du hadith du prophète alayhi salam, que celui qui dit, qui meurt, en sachant qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, l'imam Nawawi, rahimahullah, il a mis un titre dans son livre, l'authentique de l'interprétation de Sahih Muslim. Il a mis un titre, chapitre, l'iman, la foi. Il a preuve, celui qui meurt sur le monothéisme rentrera avec certitude au paradis. Celui qui meurt sur le monothéisme rentrera avec certitude au paradis. C'est-à-dire dans le livre de la foi, il a ouvert un chapitre, celui qui meurt sur le monothéisme rentrera irréfutablement avec certitude au paradis. Qolto, hein? Cheikh Obeid, ittafaqa. اتفق صحة استجهاد المصنف والصنبات النووي رحمه الله من لفظ الحديث وفي معناه أحاديث كثيرة منها. لماذا اتفقوا؟ لأنهم يأخذون من معين واحد داخل الإسلام، الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة، فلهذا اتفقوا. الشيخ عبيد دير جدي que maintenant ils sont unanimes, hein, dans la validité de leur témoignage qu'ils ont pris. Cheikh Mohamed Ibn Lahab et ce qu'il a extrait l'imam Nawawi du hadith, ils sont unanimes, hein, et dans ce sens là il y a beaucoup de hadith. Pourquoi ils sont unanimes alors que l'imam Nawawi, la séparation, le temps qu'il sépare de Cheikh l'Islam Mohamed Ibn Lahab est énorme? Pourquoi ils sont unanimes? Parce que leur source est identique. La parole d'Allah, l'authentique de la sunna, et la compréhension et la voix du pieux prédécesseur. C'est pour ça qu'ils sont identiques. Hein? Malgré que le temps les sépare, des générations les séparent. يقول الشيخ في معناه أحاديث كثيرة منها. أولا ما رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. Il y a les hadiths qui vont dans ce sens-là aussi. C'est son nombre. Il dit premièrement ce qui a été rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. De Ubadat ibn Samit, radiyallahu anhu. Il dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et que Muhammad est le serviteur et le messager d'Allah. Et que Isa est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a ordonné à Marie, à Maryam alayhi salatu wassalam, et que c'est une âme créée min Allah azza wa jal, et que le paradis est véridique, et que le feu est véridique, Allah subhanahu wa ta'ala le rentrera au paradis, peu importe ce qu'il aura fait comme acte. Hein? ثانيا ما رواه مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Et aussi deuxièmement, ce qui a été rapporté par l'imam muslim de Jabir radiyallahu anhu, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui retrouve, qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, on lui a fait aucun associé, rentrera au paradis. Et celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, on lui a fait un associé, bah, ira en enfer, rentrera en enfer. فهذه الأحاديث يقول الشيخ كما ترى وفيما معناها تفيد أمرين: الأول الوعد بدخول الجنة لمن مات على التوحيد. الشيخ دون دير الشيخ عبيد حفظه الله تعالى سي حديث تدوني سينيفيكاسيون تدوني دو سينيفيكاسيون أغتونيخ بروميارمون لا بروميس دو فت دو رنتخي أو باغادي pour tout un chacun qui meurt sur le monothéisme. La promesse d'aller au paradis. هذا البرومي. والثاني أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن مسمى الإيمان ففيها شاهد لمعتقد أهل السنة والجماعة أن الفاسق الملي مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ويزيد هذا توضيحا ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسول الله فلا تخفر الله في ذمته رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفره. Le deuxième point à retenir dans ces hadiths, c'est que celui qui commet des péchés capitaux parmi les musulmans, ça ne le sort pas de la foi, ça ne le sort pas de l'islam. Du moment qu'il est monothéiste, il tombe dans des péchés capitaux, ça ne sort pas de l'islam. Et ça, c'est un témoignage et un point essentiel pour l'avoir compris les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, sur le fait que le pervers de cette communauté et les croyants avec sa foi et les pervers avec son péché capital. Et nous éclaire encore plus sur ceci, ce qui a été rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, de Anas, radiyallahu anhu, arda, qui a dit que le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui prie notre prière, et qui s'oriente vers notre Qibla, et qui mange ce que nous avons égorgé, celui-là, c'est le musulman qui a la protection d'Allah, et la protection de son messager, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ne trahissez pas Allah dans sa protection. Hein? Clair et net à l'islam. Et nous arrêtons là pour cette première condition, incha'Allah. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Wa ahsallahu ilaykum wa jazakum.